Dans la famille des ondes électromagnétiques à très basse fréquence, vous avez celles qui vous parviennent à l'heure actuelle si vous nous écoutez dans le poste, les ondes radio, puis viennent les micro-ondes, puis les ondes du spectre visible, et ensuite on passe aux rayons X, puis aux rayons gamma. Mais quelque part entre les micro-ondes et le spectre visible se cachent des ondes à cheval entre l'électronique et la photonique, entre la radio et l'optique, des ondes dites terahertz, découvertes au début du XXe siècle, mais si difficiles à émettre et à détecter qu'on les avait laissées de côté jusqu'à aujourd'hui. Ondes terahertz, on ne peut rien leur cacher, c'est le programme vibratoire qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tout comprendre à ces ondes dans lesquelles repose beaucoup d'espoir, tant en cosmologie qu'en détection, en médecine, voire en sécurité, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Juliette Mangenet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche CNRS au laboratoire de physique de l'École normale supérieure. Nous sommes également en ligne avec Eric Freiss. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS au laboratoire Ondes et Matières d'Aquitaine à l'Université de Bordeaux. Mais on commence, comme chaque jour, par celle qui irradie l'actualité scientifique et de la recherche. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec une étude du CDC américain. Le CDC, c'est le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies. Le risque de transmission du coronavirus serait plus important dans les bars et dans les restaurants. Et les chercheurs du CDC ont mené cette étude en juillet dans 11 États américains. Ils ont appliqué ce qu'on appelle une analyse cas témoin. Sur 314 personnes, 154 se sont avérés positifs au Covid-19, tandis que les autres étaient négatifs, ce qui leur a permis de constituer un groupe témoin. Avec un questionnaire sur leur vie quotidienne, port du masque, un rassemblement de plus de 10 personnes, shopping, salle de sport, transport en commun, etc., ils ont retracé l'itinéraire des participants 14 jours avant le début des symptômes. Ils ont ainsi calculé les lieux à risque. Résultat, les personnes contaminées sont deux fois plus susceptibles d'avoir mangé dans un restaurant que ceux du groupe témoin négatif. Oui, ce sont des endroits où le port du masque et la distanciation physique sont difficiles à maintenir. Pascal Crépé est enseignant-chercheur en épidémiologie et biostatistique à l'École des hautes études en santé publique. Selon lui, il faut être précautionneux avec ces résultats, d'autant plus que cette étude présente des limites. Le premier défaut, c'est la taille de l'étude. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'un peu plus de 300 personnes dans leur étude, donc un peu plus de 150 personnes positives et un peu plus de 150 personnes négatives. Donc c'est relativement peu. Hein. Si on veut généraliser ces résultats à tous les États-Unis, on est sur un échantillon relativement faible. Mais l'autre point un peu fragile de cette étude, il est lié à ce qu'on appelle les facteurs de confusion. C'est-à-dire que les chercheurs ont posé précisément la question concernant les bars et les restaurants, et puis ont d'autres informations sur les caractéristiques individuelles, et puis sur le fait que les patients positifs avaient dans leur relation des personnes positives. Mais il y a peut-être un problème. C'est que le fait d'aller dans des bars ou d'aller dans des restaurants, même si c'est associé à, au fait d'être positif, ça ne veut pas pour autant dire que c'est forcément la cause. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que ces éléments-là, donc aller dans des bars ou aller dans des restaurants, ça peut aussi être associé simplement au fait d'avoir repris une vie sociale plus active. Et c'est peut-être d'autres éléments de cette vie sociale plus active qui ont été la cause de l'infection et pas forcément spécifiquement le fait d'aller dans un bar ou le fait d'aller dans un restaurant. Et donc ça c'est un problème relativement classique dans toutes les études, problème qui est d'ailleurs identifié par les chercheurs eux-mêmes et qui force à un peu de prudence lors de l'interprétation de ce type de résultats. Voilà le lien vers cette étude du CDC ainsi que vers toutes les études dont il sera question, que ce soit dans le Journal des Sciences ou dans l'émission. C'est comme tous les jours sur le fil Twitter @lamedfc ou sur le site de franceculture.fr. Et on passe au bref. Les enchères pour la 5G commencent fin septembre et selon un rapport commandé par le gouvernement, il n'y aurait pas d'effet néfaste de la 5G sur la santé. Et ce rapport a été remis par l'Inspection Générale des Finances, par l'Inspection Générale des Affaires Sociales, par le Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable et par le Conseil Général de l'Économie. L'étude a été menée en seulement 2 mois sur des pays qui ont déjà cette technologie. Alors selon ce papier, les premières fréquences utilisées pour la 5G, celles dans la bande des 3,5 GHz, n'ont pas d'impact sur la santé si elles sont utilisées dans les limites fixées par les réglementations européennes et françaises. En revanche, pour les fréquences millimétriques, celles autour de 26 GHz et qui vont nécessiter l'installation de nouveaux types d'antennes, pour celles-ci, c'est un peu plus flou. Des études complémentaires sont nécessaires, nous dit le rapport. L'Agence nationale de sécurité sanitaire doit encore rendre son compte-rendu en 2021. La NASA a confirmé hier le début d'un nouveau cycle solaire. Et le Soleil passe par des périodes d'activité accrue ou réduite. Chacun de ces cycles dure en moyenne 11 ans et ils sont calculés par le nombre et la taille des taches solaires. La NASA a confirmé qu'un minimum solaire s'est produit en décembre 2019. Pas une seule tache n'était visible à la surface. Cela marque le début d'un 25e nouveau cycle. Avec ce minimum solaire derrière nous, les scientifiques s'attendent à ce que l'activité de notre étoile augmente vers le prochain maximum d'ici juillet 2025. Et enfin, aux États-Unis, des centaines de milliers d'oiseaux migrateurs sont morts subitement. Et ils sont peut-être même des millions. Un peu partout, au Nouveau-Mexique, en Arizona, au Colorado, au Texas, des biologistes ont fait la découverte de centaines d'oiseaux morts. L'hécatombe a commencé fin août et ne touche que les espèces migratrices. Des ornithologues constatent aussi qu'avant de mourir, les oiseaux ont des comportements anormaux. Le plus souvent au sol, plutôt que perchés sur des branches, ils semblent léthargiques. De plus, ils n'ont aucune réserve de graisse et presque aucune masse musculaire, comme s'ils étaient épuisés. Plusieurs hypothèses sont avancées. Peut-être que les grands incendies ont précipité leur migration sans qu'ils n'aient le temps de finir leurs réserves. Ont-ils modifié leur route migratoire à cause de ces feux? Ont-ils inhalé de la fumée? Une enquête est en cours. Merci beaucoup Natacha. À demain pour le prochain Journal des Sciences. À l'heure où vous venez de l'entendre, la 5G se réinvite au cœur du débat public avec son lot d'inquiétudes et de crispations politiques. Eh bien, c'est d'un autre type d'ondes dont nous allons vous parler aujourd'hui. Des ondes à cheval entre le domaine radio et le domaine optique. Des ondes découvertes il y a fort longtemps, au tout début du XXe siècle, en 1911, mais très difficiles tant à générer qu'à détecter. Ces ondes, elles sont quasi en plein milieu de l'échelle de fréquence qui va des ondes radio aux ondes gamma. Ce sont les ondes térahertz. On les dit totalement inoffensives, remarquablement utiles du fait de leurs propriétés, tant en cosmologie pour de la spectrographie de précision d'éléments chimiques à longue distance, qu'en cancérologie pour discriminer de façon très fine les cellules tumorales des cellules saines lors d'une opération par exemple, et bien sûr dans le domaine des télécommunications. Alors que sont ces ondes miracles que l'on qualifie d'ondes du futur et qui sont aujourd'hui de mieux en mieux maîtrisées? C'est ce que nous allons voir au cours de cette heure. Mais pour commencer, retour dans le temps avec notre archive du jour et la voix tant aimée de Gaston Bachelard sur la contribution de Hertz à la découverte des ondes radio. Nous sommes en 1950 dans l'heure de la culture française sur la RDF. Il faut suivre l'histoire des travaux de Hertz pour en comprendre toute l'ingéniosité. Les diverses circonstances de la propagation par onde, réflexion, réfraction, polarisation, furent dégagées successivement. Les ondes hertziennes traversaient les murs. Il suffisait de les lancer dans des antennes, d'augmenter la puissance de leur production, de sensibiliser leur réception pour transmettre des signaux à travers l'espace. Un domaine nouveau de transmission s'ouvrait pour les hommes. Mais Hertz mourut en 1894, à 37 ans, sans avoir pu assister à l'aménagement progressif des phénomènes qu'il avait découverts et qui conduisirent en un quart de siècle à la TSF et à la radio. Voilà, Gaston Bachelard en 1950 sur la contribution de Hertz à la connaissance des ondes. Peut-être une réaction simplement à cette archive, Juliette Mangenet. Ou pas par ailleurs, c'était juste histoire de faire un peu le lien. Eric Freys, un mot peut-être sur cette. Ce que je voulais dire, j'ai eu un petit problème de connexion. Ah, juste que effectivement, dans les premières émissions de rayonnement terrestre qui datent justement des années 1920, les micro-ondes ont appliqué un petit peu ces petits oscillateurs de Hertz pour justement combler ce gap qui est resté jusqu'en 1900 entre des longueurs d'onde de 20 mm et de 64 microns. Donc ça a été grâce à ces oscillateurs qu'on a pu faire les premières émissions de rayonnement terrestre dans les années 1920. Eric Freys, à propos de cette archive de Gaston Bachelard et de la contribution de Hertz à la connaissance des ondes finalement. Ça souligne effectivement comment c'est... l'histoire des radios, enfin des rayonnements électromagnétiques et son utilisation dans différents domaines, hein, que ce soit technologique ou physique fondamentale, a évolué au cours des ans. Et donc, on voit que simultanément, à la fois les développements technologiques et les développements de physique fondamentale, finalement, permettent de faire avancer la science et permettent d'étendre les domaines d'application. On se pose plus de questions tellement sur aujourd'hui sur l'utilisation des ondes radio, hein, parce que c'est on baigne dessus, même si de plus en plus on utilise les fibres optiques pour transmettre l'information. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, à chaque fois qu'on arrive dans des nouvelles gammes d'ondes ou qu'on trouve des nouvelles utilités à de nouvelles gammes d'ondes, que ce soit pour le grand public ou d'ailleurs pour n'importe quel type d'utilisation, on a toujours cette crainte. Ça a été le cas évidemment avec les ondes radio, puis avec les ondes télé, puis avec les micro-ondes, puis avec les fréquences Wi-Fi. Aujourd'hui, avec la 5G, on a toujours la peur que ces ondes soient extrêmement nocives, qu'elles nous fassent du mal. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs l'une des questions qu'on pose sur les ondes terrestres. Pourquoi cette crainte finalement que les ondes nous nuisent alors qu'on est dans des endroits bien du spectre électromagnétique où on sait a priori que les interactions sont relativement faibles, Juliette Mangenet? Disons que effectivement, si on compare à d'autres domaines type les rayons X qui sont très énergétiques et très ionisants, on peut se dire il n'y a pas de raison de s'inquiéter réellement sur la dangerosité de ces ondes. En revanche, c'est vrai que ce sont des ondes qui sont très fortement absorbées par l'eau, et comme le corps humain contient beaucoup d'eau, on peut s'attendre quand même à des effets d'échauffement. Et je pense que même si on peut... Ah, voilà, on vient de perdre Juliette Mangenet. Décidément, c'est une émission qui commence en fanfare sur les ondes. Ah, vous êtes là à nouveau. Allô ? Pour l'homme, on peut pas... Non. Je pense que nous avons un petit problème d'onde, effectivement. Alors, on va essayer de résoudre ce problème de connexion. Eric Freys, peut-être un mot, parce que, outre cette question de dangerosité sur laquelle on pourra éventuellement revenir, on est en plein débat actuellement sur, sur la question de la 5G, puisque les enchères vont être ouvertes en France. Il y a un rapport, on le disait dans le Journal des Sciences, qui a été rendu, qui atteste de l'innocuité des ondes de la 5G dans une certaine mesure. Aujourd'hui, quand on parle des ondes terahertz, est-ce que vous pourriez nous aider à remettre un peu tout ça à leur place, les ondes 4G, les ondes 5G, les ondes Wi-Fi, où est-ce que ça se situe sur le spectre électromagnétique et de quoi on parle par rapport aux ondes qui vont nous occuper aujourd'hui, qui sont les ondes terahertz? Alors bon, rappelez peut-être d'abord la 4G, hein, globalement, le domaine de fréquence de la 4G, c'est entre 1 et 4 gigas, globalement, et on va passer avec la 5G à des fréquences qui sont beaucoup plus élevées, typiquement 25 gigahertz, donc un facteur 5 par rapport à la 4G. Alors, l'idée de base, c'est qu'effectivement, plus on augmente la fréquence des ondes émises, plus on peut transmettre d'informations par seconde. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on va vers des fréquences de plus en plus élevées. Donc, si on regarde aujourd'hui le terahertz, c'est à peu près 1000 gigahertz. Donc, vous voyez qu'on gagne là un facteur quasiment 1000 par rapport à la 4G. Et donc, c'est pour ça aussi que on a de plus en plus d'intérêt vers l'émission de Wi-Fi dans le domaine terrestre, même si c'est un domaine qui est juste au balbutiement aujourd'hui. Alors, juste un point qui me paraît important de mentionner, hein, par rapport au danger des radiations, on va dire, de la 4G, de la 5G, etc. Ce qui est important, au-delà du fait que ce soit absorbé, c'est finalement l'intensité de ces ondes. Donc, si ces ondes sont effectivement focalisées et relativement intenses, compte tenu du fait qu'elles soient absorbées, eh bien, ça va générer des dommages, évidemment. Mais si ces intensités d'ondes sont suffisamment faibles, on baigne aujourd'hui tous les jours dans un rayonnement infrarouge, un rayonnement gigahertz, terahertz, et vu les intensités, eh bien, on supporte ça très très bien. L'organisme s'est adapté à ça et on vit quotidiennement sans aucun risque dans ce domaine-là. Donc, je répète, ce qui est important plus que la fréquence, c'est effectivement l'intensité des ondes émises. Alors, Juliette Mangelet, on vous a récupéré normalement. Vous n'avez pas été mangé par les ondes comme on pouvait en avoir l'impression en entendant les déformations de votre voix. À ce propos, justement, en lien, ce que je disais avec Eric Fraisse, je ne sais pas si vous avez entendu la question autour du lien qu'il peut y avoir entre, ou la différence en tout cas, entre les ondes dans lesquelles nous baignons, c'est-à-dire les ondes 4G, 5G et les ondes terahertz. C'est effectivement la question toujours présente de la nocivité de ce bain d'ondes. Oui, du coup, je rejoins un peu ce qu'a dit Eric, c'est-à-dire que effectivement, les ondes, dans le terahertz, on a au moins un ordre de grandeur au-dessus de ce qui sera la 5G, notamment la bande 26 gigahertz de la 5G. Donc, le corps va absorber ces ondes puisque l'eau absorbe beaucoup le rayonnement terahertz et notre corps est constitué de beaucoup d'eau. Donc, on s'attend à sûrement des échauffements, mais tout dépend de la puissance et de la focalisation. Et actuellement, on peut très bien faire des transmissions avec peu de puissance rayonnée, et donc a priori ça sera peu dangereux pour l'homme, voire pas du tout dangereux. Je pense que ça mériterait quand même des études sur ce sujet pour voir à quel point on peut avoir un échauffement au niveau du corps quand on est dans les scanners terahertz, par exemple les scanners corporels ou quand on a de la transmission par téléphone, par exemple. On reparlera des applications et les scanners corporels. On parle notamment des scanners de sécurité dans les aéroports. Les télécommunications, on y reviendra. Mais avant tout ça, on va essayer de comprendre tout de même ce que sont ces ondes terahertz et pourquoi un regain d'intérêt aujourd'hui sur ces ondes qu'on a pourtant découvert il y a plus d'un siècle. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons donc des ondes terahertz tout au long de cette heure en compagnie de Juliette Mangenet et d'Eric Fraisse. Je le disais, les ondes terahertz, vous le disiez également, Juliette Mangenet, c'est une découverte ancienne du début du XXe siècle. Comment est-ce qu'on les a découvertes et pourquoi est-ce qu'on les a découvertes et relativement vite oubliées finalement ? Je dirais que on les a découvertes. Déjà, il y avait un vide spectral très important, donc il y avait quand même une communauté de chercheurs qui essayait de le combler. Et la première émission terahertz, en fait, ça a été obtenu par une extension basse fréquence d'un rayonnement thermique en utilisant un milieu qui avait une température locale de 4000 Kelvin et qui permettait de d'émettre ce rayonnement terahertz. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a eu beaucoup de chercheurs qui travaillent depuis ces 1911 sur réaliser des sources terahertz, mais cette source-là, qui a été découverte en 1911, finalement, c'est une lampe un petit peu qu'on utilise encore aujourd'hui dans les spectromètres et les interféromètres commerciaux. Donc, comme quoi, cette découverte a eu une retombée très, très long terme. 4000 Kelvin, juste pour préciser, c'est beaucoup. C'est 4000 Kelvin en Celsius, c'est quand même une grosse température. Oui, c'est, tout à fait. C'est plus de 3700 degrés Celsius. Son spectre est extrêmement large et il contient cette fameuse partie très basse fréquence du spectre optique qui est dans le terahertz. Et donc sur les interféromètres, on utilise ces lampes type lampe Mercure pour comme source pour les interféromètres et les spectromètres. Donc ça, c'était l'extension, on va dire, du domaine de l'optique vers les basses fréquences dans le terahertz. Après, il y a eu des travaux plus qui venaient de l'électronique, basés sur des petits oscillateurs de Hertz, pour aller de l'électronique vers les hautes fréquences, le terahertz. Et ce qui se passe finalement, pourquoi ça reste encore un petit peu, ça a été laissé de côté, soit dit en passant. Mmh. Ça, c'est le point de vue, on va dire, du grand public. Je pense que la recherche, elle a toujours eu du dynamisme sur le sujet. C'est que il y a une vraie difficulté à émettre et détecter ces ondes terahertz. Et par exemple, si on s'appuie sur les concepts extrêmement bien maîtrisés dans le domaine de l'optique, par exemple les lasers, ou dans le domaine de l'électronique comme les oscillateurs, les transistors, on voit que l'efficacité des sources, elle chute au fur et à mesure que les fréquences s'approchent et atteignent la région terahertz. Donc, en fait, elles n'ont pas pu se déployer au-delà des laboratoires par faute d'une technologie qui était suffisamment mature et avancée. Mais la recherche, je pense, a été quand même toujours assez présente. Et on essaiera de comprendre tout à l'heure pourquoi, justement, effectivement, elles sont si difficiles à émettre, et on verra qu'elles sont aussi relativement difficiles à détecter. Un mot, Eric Frey, à ce propos, peut-être sur l'évolution qu'il y a pu avoir entre cette première détection en 1911 et le regain d'intérêt de travaux depuis les années 80. C'est vraiment juste un gap technologique qui fait que d'un seul coup, on arrive à créer des sources plus intéressantes et que donc on peut à nouveau recommencer à étudier et à travailler ces ondes terahertz. Oui, en fait, je pense que pour prolonger ce que vient de dire Juliette, donc en fait, on a eu face à ces difficultés, on a eu un regain d'intérêt pour ces ondes terrestres grâce aux travaux de deux équipes américaines, une équipe à la Bell Telephone qui était David Austin, et d'autre part une équipe à IBM, donc les centres de recherche qui ont aujourd'hui malheureusement disparu, qui était de Daniel Grishkovsky. Et c'est les premiers qui, en utilisant des techniques purement électroniques finalement, ont commencé par générer dans des circuits électroniques ces ondes terahertz, et qui ont montré qu'on pouvait, en utilisant ces technologies-là, générer des ondes qui pouvaient se propager librement dans l'air. Donc c'est grâce à ces deux équipes pionnières dans le domaine que on a eu un renouveau vers ces ondes terrestres, leur génération, leur détection, dans les années fin 80, début des années 90. Peut-être qu'on peut le repréciser, parce que je le disais tout à l'heure dans l'introduction, elles sont dans le spectre, à un endroit très particulier dans le vaste spectre électromagnétique, ces ondes terahertz, Eric Frey, elles sont à cheval en fait entre deux grandes catégories, enfin même si c'est les mêmes ondes dont on parle, de grandes parties différentes du spectre électromagnétique. Oui, donc on revient, donc effectivement, comme vous le mentionnez au tout début de l'émission, donc on a le domaine micro-ondes finalement, et on a le domaine, on va dire, lointain infrarouge. Donc comment dirais-je ? Donc je veux dire, si on regarde d'un point de vue spectre finalement, on va dire longueur d'onde plus exactement, quand on descend à 300 microns, et c'est entre 300 microns et 30 microns qu'en général on donne le spectre des ondes terahertz. Donc 30 microns, on rentre dans le domaine infrarouge lointain, et 300 microns, on est dans le super micro, on a un domaine super micro. Donc vous voyez que c'est ces domaines de fréquence qui deux domaines de longueur d'onde qui correspondent aujourd'hui à ce qu'on accepte plus ou moins de définir comme domaine des longueurs d'onde terahertz. Et d'un point de vue fréquence, ça va de 0,1 terahertz, on va dire 100 gigahertz, à peu près 30 terahertz. Alors c'est pas forcément très simple de se le figurer quand on l'entend comme ça à l'antenne, mais on va vous mettre évidemment cette petite échelle qui montre très bien quand on le représente que ces ondes terahertz, elles sont à cheval entre l'électronique et le photonique, finalement entre d'un côté ce qu'on appelle au sens large les ondes radio qui vont jusqu'au micro-ondes, et de l'autre côté les ondes optiques, Juliette Mangenet. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, pour rebondir un peu sur cette situation entre les deux parties du spectre, qu'est l'électronique et l'optique, et expliquer un peu aussi l'historique, l'avancée de la technologie, on peut aussi citer dans les années 70-80, il y a eu donc l'avènement des lasers impulsionnels qui délivrent des impulsions courtes, donc suffisamment courtes pour que leur durée soit de 1 picoseconde, ce qui correspond à une fréquence de 1 terahertz. Et ce qui est assez élégant, c'est que finalement, une des sources quand même assez efficaces encore aujourd'hui pour le terahertz, c'est une source optoélectronique, donc qui utilise l'optique, des impulsions optiques très courtes, et aussi des composants plus électroniques. Et en éclairant ces composants électroniques avec des impulsions optiques, on peut générer des courants très très courts, des impulsions de courant d'une picoseconde justement, et qui vont rayonner dans le terahertz. Donc même finalement, parmi les solutions technologiques qu'on a aujourd'hui, on a des solutions techniques basé un peu sur un mariage entre les deux domaines de fréquences voisins. Et du coup, le fait d'être à cheval comme ça entre ces deux domaines, ça, de cela découle un certain nombre de propriétés. Peut-être qu'on peut évoquer ces propriétés, Eric Fraisse. Pourquoi est-ce qu'elles sont si intéressantes ? On parlera bien sûr des applications dans un deuxième temps, mais si on les examine, ces ondes, vous le disiez, je crois que c'est vous qui le disiez tout à l'heure, Juliette Mangenet, nous-mêmes, le corps humain rayonne de quelques ondes de terahertz, alors certainement très peu, mais tout de même un petit peu. Quelles sont les propriétés de ces ondes, tout simplement, Eric Fraisse ? Alors, c'est ce qu'on a mentionné au tout début de l'émission. Hein. C'est des ondes qui ont une énergie très très faible, hein, puisque leur fréquence est relativement basse. Hein, donc c'est ça qui présente un intérêt. Et ce que je vous dis, donc tous les corps qui sont élevés à une certaine température émettent un certain type de rayonnement. Et si on regarde la température typique, si on associe une température à une longueur d'onde, hein, si on le fait en utilisant la loi du corps noir, hein, eh bien on peut montrer que typiquement un corps qui est émis à 40 K, donc c'est à moins 160 degrés typiquement, eh bien émet du rayonnement terrestre. Mmh. Ça c'est, oui, allez-y, je vous en prie. C'est une température très très froide, entre guillemets, et malgré le fait que ce soit relativement froid, ça émet quand même du rayonnement qui est dans le domaine terrestre. Mais alors plus généralement justement sur les propriétés, quelles sont les propriétés qui vont être intéressantes justement à exploiter de ces ondes ? On verra ensuite comment on arrive mieux soit à les détecter, soit à les émettre, mais quelles sont les propriétés qui rendent ces ondes intéressantes dans divers domaines, que ce soit la physique, la cosmologie, la médecine, etc. Juliette Mangenet. Alors, bon, évidemment, il y en a plusieurs. Moi, je peux commencer par une première propriété qui est très intéressante. C'est que, par exemple, si on sonde les molécules avec des ondes terahertz, on va sonder des modes de vibration et de rotation de la molécule dans son ensemble, qui implique tous les atomes de la molécule. Alors que, pour montrer un peu sa complémentarité par rapport aux ondes optiques, les ondes optiques, elles vont sonder des vibrations intramoléculaires, ça veut dire qui impliquent seulement un ou deux atomes de la molécule. Alors, quel est l'intérêt donc des ondes terrestres ? C'est d'exciter ces modes de l'ensemble de la molécule, ces modes de vibration et de rotation, c'est que ça va donner des informations différentes à celles qu'on peut obtenir de l'optique et très complémentaires et uniques, qui sont par exemple bon la structure globale de la molécule, mais aussi comment elle interagit avec son environnement. Donc on imagine bien que ça peut avoir des retombées sur comment injecter des médicaments dans des cellules, etc. Donc voilà une caractéristique par exemple très spécifique des ondes terrestres, c'est de sonder les molécules, mais des modes de vibration différents de ceux qui sont accessibles avec les autres domaines de fréquence. C'est ce qu'on entend par la caractérisation chimique finalement. Ces ondes permettent vraiment d'aller très loin dans la caractérisation chimique justement de ces groupes de molécules. Voilà, disons d'apporter des informations différentes de celles qu'on peut obtenir en utilisant des ondes optiques ou à d'autres domaines de fréquence. Donc c'est compléter notre connaissance grâce aux ondes terrestres et avoir des informations qu'on ne pourrait pas obtenir en utilisant les autres ondes. Donc dans ce sens-là, on peut dire que c'est assez unique ce qu'on peut faire avec les ondes terrestres. Peut-être un mot sur leur capacité de pénétration très forte aussi, Juliette Mangenet. Oui, alors les ondes terrestres vont pouvoir pénétrer, par exemple, à travers la peau sur une distance submillimétrique. Donc, on va pouvoir faire de l'imagerie terrestre. En plus, les ondes terrestres, comme elles sont absorbées par l'eau, elles répondent, elles sont très sensibles au contenu en eau des cellules. Et par exemple, pour l'imagerie médicale, on va pouvoir sonder des cellules, faire la différence entre des cellules cancéreuses et des cellules normales par leur contenu en eau qui est plus importante dans le cas des cellules cancéreuses. Mmh. Qui sont plus vascularisés. Eric Fraisse, toujours sur la suite de ces propriétés, on a dit que justement elles étaient a priori non nocives parce que non ionisantes, ces ondes terahertz. Oui, alors pour compléter ce que vient de dire Juliette, il y a un autre aspect qui est extrêmement intéressant concernant les ondes terahertz, c'est qu'elles sont extrêmement bien réfléchies par les métaux et pas du tout par les matériaux diélectriques. Donc ça ouvre des applications potentielles. Hein. Par exemple, si on imagine une plaque de béton dans laquelle on a du ferraillage hein, pour permettre au béton d'avoir une capacité résistive beaucoup plus importante. Eh bien, si vous prenez un béton sec qui contient relativement peu d'eau, eh bien, si vous envoyez une onde terrestre, ces ondes terrestres seront réfléchies par les barres métalliques et seront transmises par le béton. Et donc, vous pourriez voir comme ça, au travers d'un mur en béton, comment est le ferraillage de ce système-là. Donc ça vous montre effectivement que, encore une fois, une des propriétés des ondes terrestres, c'est qu'elles peuvent permettre de pénétrer des matériaux et de donner leur structure intrinsèque sans avoir à rentrer dans la structure fine de ce matériau-là ou, par exemple, démolir le mur pour avoir ce qu'il y a dessus. Une autre application intéressante, c'est aussi au niveau des poteries, par exemple. C'est un des collègues du laboratoire qui a fait ça. Ils ont pris une poterie égyptienne, d'accord, et l'un des problèmes qui se pose, c'est que on ne souhaite pas ouvrir ces poteries qui sont scellées et on veut voir, par exemple, à l'intérieur ce qui se passe. Eh bien, ce qu'on peut montrer, c'est qu'en utilisant le rayonnement de Treyarz, qui est transmis relativement facilement par la poterie, eh bien, on peut avoir imagé l'intérieur de la poterie et se rendre compte, par exemple, du contenu de la poterie, savoir si c'est du grain ou des viscères, par exemple, de la personne qu'on a momifiée. Et ça ne peut être fait par aucune autre forme de visualisation, je ne sais pas, par des rayons X ou par du bas infrarouge ou des choses comme ça. Ça, c'est vraiment propre aux ondes terrestres, Eric Freys. Alors, il y a probablement, d'un point de vue rayon X, on pourrait faire des choses. L'avantage ici, c'est que c'est relativement simple à mettre en œuvre et à déployer. Et comme je vous le disais, c'est peu invasif sur le matériau qu'on étudie. Et on va voir aussi, on va essayer de comprendre dans les prochaines minutes pourquoi est-ce qu'il a été si difficile de les émettre et de trouver, d'inventer, de conceptualiser des dispositifs qui permettent d'émettre des ondes terrestres en quantité suffisante. Et puis on va aussi comprendre comment faire pour les détecter et puis parler des applications dans divers domaines comme vous venez de l'entendre. J'entends encore l'onde sensuelle de ta bouche sur la mienne. C'était si fort, c'était si beau. La philosophie de ton souffle entre mes mots. Les plumes volent encerclées par tes ondes. Mes habits collent, faut que je m'inonde. Mais je ne sais plus où donner du crâne. Ça ne répond plus, j'attends la panne. Comment t'atteindre? Mais comment t'atteindre en sensuel? Toi qui me donnes des ailes, pourrais-je te rendre un jour éternel pour nous lier jusqu'au ciel? M'ont troublé en magique. Y a-t-il un sens à ta venue? As-tu un nom? Moi non plus. Mais comment t'atteindre? Mais comment t'atteindre en sensuel? Toi qui me donnes des ailes, pourrais-je te rendre un jour? Yeah. Ondes sensuelles à 16h35 sur France Culture. Je ne sais pas si elles sont sensuelles, mais ce sont bien des ondes, en tout cas, c'est des ondes terrestres dont il est question tout au long de cette heure, en compagnie de Juliette Mongenet, qui est directrice de recherche CNRS au laboratoire de physique de l'École normale supérieure, et Eric Fraisse, qui est directeur de recherche CNRS au laboratoire Ondes et matières d'Aquitaine à l'Université de Bordeaux. J'aimerais qu'on dise un mot, Eric Fraisse, des raisons pour lesquelles il est si compliqué de créer des dispositifs d'émission d'ondes terahertz, ce qui explique certainement que elles n'ont pas été encore déployées comme ont pu être déployées d'autres types d'ondes qui sont aujourd'hui communément usées, que ce soit les rayons X ou les ondes téléphoniques. Alors, je vais reprendre ce qu'avait dit Juliette Mongenet au tout début de l'émission, qui est effectivement la difficulté à émettre des ondes terahertz du fait que effectivement l'efficacité, au fur et à mesure qu'on va dans ce domaine de fréquence, l'efficacité des émetteurs devient de plus en plus faible. Donc c'est une des difficultés qui, comme l'a souligné Juliette, a fait que ce domaine est resté relativement longtemps en friche. Donc ensuite, il y a eu un certain nombre de développements qu'on a abordé tout à l'heure. Et aujourd'hui, on arrive à émettre des ondes terahertz de façon relativement efficace grâce aux progrès qui ont été faits à la fois d'un point de vue électronique et d'un point de vue optique. D'un point de vue électronique, parce que aujourd'hui, grâce au développement des multiples quantiques, on arrive à développer des sources efficaces qui sont relativement compactes, qui consomment relativement peu d'énergie et qui émettent des énergies, des intensités qui sont relativement importantes. Donc ces sources-là qui sont intéressantes aujourd'hui émettent essentiellement des ondes continues, même si on commence à mettre en œuvre des techniques qui permettent d'imaginer d'émettre des impulsions terahertz relativement courtes. Et l'autre technique qui a été largement utilisée consiste à combiner des lasers avec l'électronique ou des lasers avec des plasmas, et en combinant des lasers émettant des impulsions courtes avec soit des gaz, soit des systèmes électroniques, on sait émettre des impulsions terahertz extrêmement courtes et extrêmement denses, dont l'énergie reste relativement faible, malheureusement, aujourd'hui, la puissance reste relativement faible par rapport à celle qu'on sait obtenir grâce aux systèmes électroniques, notamment les lasers à cascade quantique. Juliette Mongenet, peut-être un mot ces deux sources d'émission, laser femtoseconde ou laser à cascade quantique. Ça reste des dispositifs importants, des dispositifs de laboratoire, et qui ne sont pas encore du tout à l'échelle pour pouvoir être utilisés dans des applications courantes pour le grand public. Disons que les progrès commencent à se faire vraiment ressentir, et par exemple, pour citer un résultat extrêmement récent qui a été publié il y a une semaine dans une conférence sur les lasers à cascade quantique, ils ont réussi pour la première fois à réaliser un laser à cascade quantique qui fonctionne à une température de 250 Kelvin, c'est-à-dire qui n'a pas besoin d'un grand système de refroidissement comme c'était jusqu'à présent, et qui était la principale limite à l'utilisation des lasers à cascade quantique grand public. Le laser à cascade quantique, c'est plus petit qu'une pièce de 1 euro. Donc, on peut dire, c'est vraiment extrêmement compact. Mais ce qui posait des problèmes jusqu'à présent, c'est qu'il fallait les refroidir avec un système très encombrant. Là, depuis très récemment, on atteint des températures qui sont très proches de la température ambiante et qui peuvent fonctionner en utilisant un tout petit module Peltier pour refroidir. Donc on voit que peut-être les années qui arrivent là sont des années déterminantes pour ouvrir vraiment la technologie terahertz au grand public. Je dirais un peu la même chose sur les sources terahertz qui utilisent donc les lasers et des composants optoélectroniques. Les sources lasers deviennent de plus en plus grand public. On commence à en voir dans les applications médicales un peu partout. Ça devient de plus en plus compact, très presse-bouton. Donc je pense que finalement, c'est en train d'arriver vers un déploiement assez grand public, mais c'est extrêmement récent. Ça, c'est pour l'émission. Peut-être un mot également de la détection. Là aussi, ça posait un certain nombre de problèmes techniques précis, Juliette Mongenet. Alors exactement, bah, c'est-à-dire on a dit tout au long de l'émission que les photons, l'énergie des ondes de terrestre sont extrêmement faibles et donc 5 à 10 fois plus faibles que la température ambiante. Donc on voit que si on veut détecter un photon, il va falloir que le bruit ambiant, le rayonnement qui est naturellement présent à la température ambiante, ne soit pas le rayonnement dominant dans le mécanisme de détection. Donc jusqu'à aujourd'hui, les détecteurs les plus performants, ils fonctionnaient à très basse température pour pouvoir s'affranchir du bruit ambiant et détecter ces ondes à très petite énergie. Aujourd'hui, c'est pareil, il y a de plus en plus de progrès et on arrive à avoir à utiliser des systèmes de conversion de fréquence avec des transistors, par exemple, qui permettent de la détection d'ondes terahertz à température ambiante et même avec des réseaux de transistors pour faire des systèmes d'imagerie. Récemment, d'ailleurs, c'était dans le courant de l'année, une étude, je crois, publiée en février dernier. Sur la détection, tout à fait. Un dispositif de détection terrestre, notamment Eric Fraisse, grâce au graphène, qui est capable d'amplifier les ondes terrestres, c'est donc justement de les détecter à des températures beaucoup plus élevées que ce dont parlait Juliette Mangenet il y a quelques instants. Oui, tout à fait. Le graphène a le bon goût d'être un matériau qui offre plein de perspectives, notamment au niveau de la détection. Comme il absorbe, il a une bande d'absorption qui va sur une gamme de fréquences extrêmement vaste. Hein. Il peut effectivement absorber un photon terahertz et émettre un électron. Alors, je voudrais rebondir sur la détection des ondes terahertz, et notamment, encore une fois, en montrant que la combinaison de la technologie électronique a permis un développement récent et intéressant finalement pour mettre au point l'équivalent de caméras CCD dans le domaine terahertz. Ça a notamment été mis au point au CEA Tech. De caméras, pardon, je vous interromps. Ce sont des caméras quoi, excusez-moi, j'ai pas bien compris. Des caméras type CCD. Hein, charge coupled device, donc c'est des systèmes dans lesquels on absorbe un photon et par transfert de charge d'électrons, on peut imager pixel par pixel, faire une image pixel par pixel d'un objet. Mm-hmm. D'accord. Donc on sait faire aujourd'hui l'équivalent de ça d'un point dans le domaine terrestre grâce au développement de ce qu'on appelle de réseaux de micro-bolomètres, hein, des sortes de petits capteurs qui absorbent la lumière terrestre et qui émettent finalement, qui donnent un signal associé au signal terrestre qui est émis. Et on sait aujourd'hui avoir ces réseaux de micro-bolomètres qui font des images terrestres avec des intensités d'ondes terrestres relativement modestes. Et donc ça ouvre des perspectives d'application extrêmement intéressantes parce que on a d'un côté de la chaîne les sources qui émettent les ondes terrestres et de l'autre côté de la chaîne des systèmes qui permettent de capter ces images terrestres et notamment de faire des images des objets qu'on illumine avec ces ondes terrestres. Alors j'aimerais qu'on passe un peu évidemment aux applications de ces ondes terrestres. On en a déjà un peu parlé, elles sont évidemment multiples. On évoquait tout à l'heure l'oncologie avec la capacité d'identifier de manière très très précise les cellules tumorales qui peuvent rester notamment après une intervention chirurgicale par rapport aux cellules saines, puisque comme on l'a dit, hein, les ondes terrestres absorbent beaucoup l'eau, elles les absorbent beaucoup, donc comme les cellules tumorales sont plus vascularisées, eh bien elles apparaissent très rapidement. Mais là, c'est pas ce dont nous allons parler immédiatement, nous allons parler des télécommunications, puisque c'est un autre des champs d'études très important, avec des applications non pas pour la 5 mais pour la 6G cette fois, et ce qu'on appelle les réseaux TIFI, T pour Terahertz bien sûr. Céline Lozen est allée se connecter à ces réseaux avec Guillaume Ducourneau, qui est professeur à l'Université de Lille. Il travaille sur ces systèmes à l'Institut d'électronique, de microélectronique et de nanotechnologie de Villeneuve-d'Ascq. Donc là, nous nous dirigeons vers la salle grise, donc plateforme de caractérisation Lyumen, afin de pouvoir qualifier les prototypes semi-conducteurs de composants pour les préqualifier pour des applications télécom, entre autres. Donc là, on entre dans la salle. On va mettre des surchaussures. On va mettre des surchausses, puisqu'on est dans un environnement protégé, notamment par les poussières. Donc on entre dans la plateforme de caractérisation de Lyumen, où on va en fait avoir des caractérisations de composants, donc notamment haute fréquence, c'est ce qui va notamment nous intéresser pour les futurs systèmes terahertz. Alors une grande expérience que vous aviez pu faire il y a quelques années, c'est l'émission d'un flux vidéo très lourd sur une distance de 1 km. Effectivement, à l'époque, donc, on a réussi à faire cette transmission sur 1 km en utilisant notamment des composants donc, très avancés, très sensibles, mais aussi en utilisant des antennes qui sont extrêmement directives. Donc voilà, donc ici on est dans la plateforme donc, de mesure. Il va falloir faire dans un premier temps ce qu'on appelle du test sous-pointe. Du test sous-pointe, c'est-à-dire que là on est à côté d'une station de mesure où en fait on a un équipement de mesure qui va générer ici des ondes T et qui va détecter les ondes T. Mais ces ondes T, il faut arriver à les envoyer sur le composant semi-conducteur qui va être au milieu. Donc ça c'est du test sous-pointe, c'est-à-dire que quand on développe le composant, quand la technologie n'est pas encore prête, on fait du test directement du semi-conducteur sur sa plaquette. Donc là, on est vraiment en amont du développement du semi-conducteur et des circuits qui vont permettre à terme de réaliser ces systèmes-là. Concernant vraiment l'application des télécoms pour les terahertz, nous, on pense que ça va vraiment prendre de l'essor avec le déploiement et les études sur la 6G. Donc peut-être on va aller de l'autre côté maintenant. Je peux vous montrer aussi ici un développement spécifique qui a été fait dans le cadre de collaboration entre l'IEMEN, l'Université de Nice et notre partenaire industriel ST Microelectronics. Il s'agit ici d'un développement qui a été fait de façon tout à fait spécifique et qui est en fait un système qui va mesurer des antennes terahertz. On se trouve devant une table optique, en tout cas ça y ressemble un peu. Donc ici effectivement on est devant une table optique, donc une table optique un peu spéciale puisqu'elle est percée complètement en son centre par un espèce de bloc ici avec des panneaux absorbants, donc ce sont des absorbants millimétriques, c'est-à-dire que ça va absorber les ondes, et en fait on est dans une petite cage de Faraday pour ondes T. Alors pourquoi ? Parce que quand on veut tester des systèmes qui rayonnent, on ne veut mesurer que l'objet qu'on est en train de regarder. On ne veut pas mesurer les ondes qui viennent de l'extérieur. Et donc on est dans cette petite cage, cette petite chambre anéchoïde qui va permettre de se rendre complètement insensible à l'extérieur. Et on a développé un système qui va être en fait composé d'un détecteur et d'un émetteur d'ondes T. Et le détecteur va se déplacer par un bras robotisé sur une sphère complète. Ça permet vraiment d'avoir une vue spatiale de ce qui se passe autour de l'antenne, et notamment de calculer les effets de rayonnement, les densités de puissance qui vont être générées autour de ce système terrestre. Alors peut-être également, on va aller de l'autre côté. Donc nous sommes ici devant une autre table optique, hein, comme on est à la fois opticien et électronicien, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de tables optiques hein, dans le laboratoire. Et on est justement sur les systèmes qui sont mixtes, opto et électronique. Donc on a une expérience qui va être dotée ici d'une fibre optique, dont le rôle va être de focaliser sur quelques microns carrés de la lumière pour aller rentrer dans le composant qui va faire cette conversion optique-électronique. De l'autre côté du composant, la petite pointe que vous voyez ici, c'est un élément qui va venir se connecter au composant pour extraire l'onde T. Et une fois qu'on a extrait l'onde T, on vient en fait ensuite la rayonner dans l'air pour ensuite la détecter avec un récepteur et faire une étude du système en télécom. Vous êtes capable à la fois de générer, d'émettre et de guider des ondes T ? C'est ça. Donc c'est sur ce type d'expérience qu'on a qualifié en laboratoire les composants avant de les mettre en situation d'être utilisés dans des expériences à plus large échelle, notamment celle de Dunkerque. Donc ici, par exemple, on est à côté de la fameuse antenne qui a été utilisée à Dunkerque pour l'expérience de transmission terrestre en 2017. Donc c'est une antenne comme une parabole de télé, hein, finalement. On a en fait ce qu'on appelle un réflecteur, c'est-à-dire un disque métallique qui va servir en fait à canaliser le faisceau sur un point donné. C'est là où on va mettre d'un côté l'émetteur terrestre et de l'autre côté le récepteur terrestre. Donc ces deux sont distants, ils étaient distants d'un kilomètre. D'à peu près un kilomètre, tout à fait. Et donc, pour arriver à aligner ces éléments-là, il nous a fallu utiliser en fait la lunette que vous voyez ici, qui est en fait une lunette de fusil de sniper, pour arriver en fait à viser à distance les antennes et les aligner l'une par rapport à l'autre. Alors de quel contenu on parle là ? C'était des enregistrements vidéo ? Alors là, c'était de la télé HD. Donc pour donner un ordre de grandeur, quand on stream de la télé HD non compressée, c'est-à-dire vraiment sans temps de latence, on a quelques gigabits par seconde de débit. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a fait à Dunkerque pour pouvoir en fait avoir vraiment un flux vidéo en temps réel. Donc ça, c'est un des scénarios d'application pour ces ondes T. Et là, typiquement, on est à quel niveau, à quelle fréquence là ? Alors là, on est à 300 GHz. 0,3 terahertz. Alors là, c'est déjà bien. La justification de ça, elle est double. Elle est dans un premier temps, comme on est à très grande distance et qu'en télécom, on a besoin d'un très bon rapport signal sur bruit, c'est-à-dire d'une très grande qualité de signal terahertz. Donc aujourd'hui, 300 GHz, c'est un très bon compromis. Alors également, sur les ondes T, il y a des enjeux après commerciaux, applicatifs, même si on est très prospectif. La conférence de radiocommunication au niveau mondial a alloué des bandes de fréquences pour les futurs systèmes terahertz. Ce qui veut dire que à l'horizon de quelques années, peut-être 2025, 2026, ça reviendra dans les pays et on aura une discussion en France sur l'utilisation de ces ondes. Mais c'est important de se positionner sur ce type d'application puisque les enjeux technologiques et industriels sont vraiment très, très importants. Voilà le reportage du jour sur cette technologie Tifi et bien la transmission d'informations terahertz à distance. Une réaction peut-être simplement, Juliette Mangenet, ce que vous venez d'entendre. Bah oui, je pense que grâce aux travaux notamment de l'équipe de Guillaume, la France est bien positionnée sur ces ondes. Peut-être qu'il faut préciser aussi, c'est que une des raisons du 300 GHz, c'est que c'est des fenêtres de faible absorption atmosphérique, donc c'est là où on va pouvoir propager l'onde à relativement grande distance et que effectivement il y a beaucoup de bandes spectrales disponibles et que je pense qu'inévitablement le Wi-Fi va tendre vers cette montée en fréquence et finalement la technologie est déjà un peu présente aujourd'hui puisqu'il a fait cette fameuse démonstration de transmission d'informations. Eric Freiss. Et donc, point important que soulignait Juliette Mangenet, c'est que finalement, quand on se propage dans l'atmosphère, il y a en général de la vapeur d'eau et que cette vapeur d'eau absorbe. Donc, il faut choisir correctement les fréquences qu'on va utiliser pour transmettre les ondes T. Hein. Autrement, effectivement, en choisissant pas la bonne fenêtre spectrale ou la bonne fenêtre de fréquence, eh bien, on se propagera sur des distances beaucoup moins importantes. Donc, cibler les fréquences, c'est fondamental et premier point. Et par ailleurs, effectivement, pour atteindre ces domaines de fréquence, il n'y a pas le choix. Hein. Si on imagine une augmentation du débit, on ira inéluctablement vers l'utilisation des ondes terahertz pour les télécoms. Mmh. Alors ça, c'est pour les télécoms. On a parlé tout à l'heure vite fait de la cancérologie. J'aimerais qu'on dise un mot de d'autres technologies, d'autres applications. D'ailleurs, celles qui vous viennent en tête, Juliette Mangenet, peut-être qu'on peut dire un mot de la cosmologie et notamment de la spectroscopie HD, qui sont des applications qui peuvent être vraiment, vraiment très intéressantes dans les années à venir. Moi, si j'aurais bien parlé des scanners corporels. Alors, je vous en prie. C'est aussi une application qui est déjà déployée dans pas mal d'aéroports, surtout aux États-Unis. Et en fait, finalement, on appelle ça les T-Ray pour Terahertz Ray. Mais les systèmes existants, ils dépassent pas 100 GHz. En fait, ils restent encore dans le domaine des micro-ondes. Et donc, il y a un vrai enjeu à monter la fréquence. Donc, le principe un peu, c'est que l'onde traverse les vêtements, mais est réfléchie par le métal, donc si c'est une arme métallique, et on va pouvoir voir l'onde, l'arme, même si elle est cachée sous les vêtements. Mais en fait, les systèmes actuels, ils ont des performances limitées. Ils ont un nombre de faux positifs qui est élevé, de 30%. Et c'est un problème puisque évidemment ça ajoute des délais et puis ça engendre un peu de raté. Et du coup, l'idée c'est d'augmenter la fréquence. Alors pourquoi aller dans le domaine terahertz en montant la fréquence, ça va être intéressant. Premièrement, parce que le contraste entre l'onde réfléchie par le métal et l'onde réfléchie par la peau, il augmente avec la fréquence. Donc on aura des images avec un meilleur contraste. Et en montant la fréquence, on diminue la longueur d'onde. Donc on a une meilleure résolution et on fera plus facilement la distinction entre les objets qu'on porte couramment, comme les téléphones portables et les armes potentiel sur l'individu. Donc, pousser la technologie terahertz pour pouvoir l'inclure dans les scanners corporels, pour moi, c'est quelque chose qui présentera beaucoup d'intérêt pour la sécurité dans l'avenir. Alors ça, c'est pour la sécurité. Moi, je reviens, je remets sur la table, si vous le voulez bien, Eric Press, la cosmologie. Comment est-ce que les ondes terrestres peuvent aider à lire et à mieux comprendre l'espace et l'espace lointain? Vous adressez la question à qui? À vous, Eric Fraisse, pardon. D'accord. Ouais. Bon, effectivement, hein, quand on regarde dans l'espace interstellaire, la majorité des corps sont froids, entre guillemets. Hein, et le domaine de longueur d'onde, quand on regarde la formation des étoiles ou la formation des agrégats stellaires, etc., c'est des températures qui sont extrêmement basses et qui correspondent à des longueurs d'onde qui sont dans le domaine terrestre. Effectivement, il y a un certain nombre de satellites qu'on a envoyés dans l'espace qui exploraient typiquement ce domaine des fréquences et qui ont permis notamment de voir des amas qui étaient en train de naître grâce à ces imageries dans ce domaine de fréquences extrêmement bas. Donc clairement, l'apport que peut avoir ce type d'instrument, je crois que c'est Herschel, me semble-t-il, ce type d'instrument pour comprendre la formation des étoiles ou l'expansion de l'univers est extrêmement intéressant et ça nécessite effectivement des technologies, notamment au niveau détecteur dans ce gamme de fréquences. Alors justement, pour conclure, quelles sont les prochaines étapes justement du déploiement de ces ondes terrestres? Pour le moment, on est encore en laboratoire, on est encore sur des protocoles expérimentaux. Combien de temps et qu'est-ce qu'il faut pour amener cette technologie au grand public, selon vous, Juliette Mangenet? Je pense que ça va être petit à petit, hein, que c'est déjà en train un peu de se déployer, ça n'arrive pas au grand public. Je pense que ce qui manque un petit peu pour le grand public, c'est vraiment un système extrêmement compact, bas coût, puissant. Par exemple, si on prend l'analogie avec l'optique, ça serait ce que peut être la diode laser aujourd'hui en optique, qui est vraiment très grand public. Il n'y a pas l'équivalent de ça dans le domaine terrestre. Donc, je pense qu'actuellement, les systèmes sont déployés ponctuellement dans les applications médicales, industrielles, contrôle non destructif, mais que pour le très grand public, il faut encore des développements technologiques clés, comme des sources très compactes, très bas coût et puissantes, et le détecteur associé. Et ça, c'est pour combien de temps, à votre avis? 10, 15, moins que ça? Je parle en année, hein, pas en mois. je pense moins que ça. J'aurais dit 5 ans. 5-10 ans, peut-être, maximum. Eric Fraisse, ouais, vous confirmez? Oui, je suis assez optimiste. Hein. Je tiens notamment à mentionner qu'il y a une petite société bordelaise qui s'appelle I2S qui développe aujourd'hui des caméras terrestres, hein, donc qui permettent de faire des images dans le domaine terrestre, comme on le fait avec un appareil photo original. Donc, le coût de ces appareils-là reste relativement important. Hein, donc, de la même façon, le coût des sources terrestres aujourd'hui sont relativement coûteux et je pense que l'évolution technologique et le marché qui apparaît et qui attire de plus en plus d'industriels est tel que je pense que d'ici maximum une dizaine d'années, on aura des applications grand public dans le domaine terrestre. Vous avez mentionné le TEFI. Le TEFI, c'est typiquement ces échelles de temps, 10 ans, 15 ans, grand maximum. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci Juliette Mangenet, merci Eric Fraisse d'être venu nous parler de ces ondes du futur, de ces ondes terrestres. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, François Malordi, Natacha Triou, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Céline Lozen, Olivier Bétard à la réalisation et Clément Daté à la technique. Demain, nous interrogerons les liens entre sciences publiques et sciences privées à l'heure où le nouveau président du CNRS encourage la création de start-up d'innovation. Comment recherche académique et recherche privée interagissent-elles et quelle direction les politiques actuelles donnent-elles à ces liens public-privé, notamment via la future loi de programmation pour la recherche? Nous en parlons demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.